إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، Inch'Allah, tout ce que vous avez à préparer, vous le préparez après, barakallahu fikoum. Comme ça, il n'y a pas de perturbation, Inch'Allah. C'est notre sixième assise autour des conditions de l'interprétation des conditions de la ilaha illallah, le Cheikh Obeid, hafidhahullah ta'ala. Wa nahnu ma'a ash-shart as-sadis, nous sommes avec la sixième condition. Ash-shart as-sadis, al-inqiyadu bi-hukukiha. وهي الأعمال والواجبات إخلاصا لله وطلبا لمرضاته. La sixième condition, c'est le fait de, c'est la soumission pour les droits de la ilaha illallah. Et c'est le fait d'accomplir les œuvres obligatoires qu'implique la ilaha illallah. Sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala et recherchant l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. ودليل القياد لما دلت عليه قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. La preuve de la soumission aux obligations de la ilaha illallah, aux œuvres de la ilaha illallah, c'est les preuves qui sont dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dont la traduction approximative de ceci: revenez vers votre souverain et soumettez-vous à lui, et soumettez-vous à lui. وقوله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. Et l'autre verset qui dit, Al-Samad, il y a trop de, tu l'as touché, il y a trop de, trop d'écho. Ah bah oui, c'est gênant pour les oreilles. Et l'autre verset qui dit ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. Qui est l'autre verset qui dit qui est mieux dans sa religion que celui qui soumet sa face à Allah en étant bienfaisant. وقوله ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى اي بلا اله الا الله. Et l'autre verset qui dit celui qui soumet sa face à Allah en étant bienfaisant, celui-là il s'est cramponné à l'an solide, et c'est l'an solide, c'est la ilaha illallah. وقوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Et l'autre verset dans la traduction nous dit ceci: par ton souverain ils n'auront la foi complète que jusqu'à ce qu'ils te prennent comme juge dans tous les litiges qu'ils ont entre eux, et qu'ils trouvent rien à redire, et qu'ils aient pas de gêne quand tu auras décrété quelque chose, tu y as jugé pour qui que ce soit, hein, et qu'ils se soumettent complètement. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا تمام الانقياد وغايته. Et de la sunna, la foi, Rasul صلى الله عليه وسلم a dit dans ce hadith rapporté par le Baraoui dans Sharh Sunnah, et Cheikh va nous montrer que ce hadith il est faible, même si ce sont sens et les bons, le hadith il est faible. Il dit, ou Rasul sallallahu alayhi wa sallam aurait dit, Quelqu'un parmi vous n'aura la foi complète que jusqu'à ce que ses passions suivent ce que j'ai ramené. Ses passions suivent ce que j'ai ramené. Qawluhu. Et maintenant, Cheikh Obaid commence à l'interprétation des preuves de cette sixième condition. Qawluhu wa anibu ila rabbikum tamamuha min qabli an ya'tiyakum al'adhab thumma la tunsarun. قال البغوي رحمه الله تعالى وأنيبوا إلى ربكم أقبلوا وارجعوا إليه بالطاعة واسمعوا وأسلموا له وأخلصوا له التوحيد من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. Le verset cité au début est revenu vers votre souverain. La fin du verset. Avant que le châtiment il ne vous arrive, le châtiment, et que vous n'aurez pas d'allié, personne ne vous fera triompher. Avant que vous arrive le châtiment, et personne ne vous fera triompher. Le Baraoui Rahimahullah, pour l'interprétation de ce verset, il dit, revenez vers votre souverain, hein, revenez vers lui dans l'obéissance, avec l'obéissance. Et soumettez-vous à lui, c'est-à-dire accomplissez le monothéisme exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala avant qu'il vous arrive le châtiment. Et dans ces cas-là, hein, personne ne pourra vous faire triompher. Wa qala ibn Sa'di rahimahullah wa li hada amara ta'ala bil inabati ilayhi والمبادرة إليها فقال وأنيبوا إلى ربكم بقلوبكم وأسلموا له بجوارحكم إذا أفردت الإنابة دخلت فيها أعمال الجوارح وإذا جمع بينهما كما في هذا الموضع كان المعنى كما ذكرنا. السعدي رحمه الله ابن سعدي رحمه الله إلى دي سيبوزا qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné le fait de revenir vers lui et d'accourir vers lui. Et il a dit, revenez vers votre souverain, c'est-à-dire avec vos cœurs, revenez vers votre souverain. Et soumettez-vous à lui, et soumettez-vous à lui avec vos membres. Car quand l'inaba, la demande du retour, arrive toute seule, rentre dedans les actes du cœur et les actes des membres. Mais comme il est uni avec la soumission, l'inaba concernera les actes du cœur et la soumission concernera les actes des membres. Comme l'a cité Cheikh Sa'di rahimahullah ta'ala ici. Wa fi qawlihi ila rabbikum wa aslimu lah dalilun ala al-ikhlas wa annahu min dun al-ikhlas la tufid al-a'mal adh-dhahirah wal batinah shay'an. Et donc la parole qui dit revenez vers votre souverain et soumettez-vous à lui, là il y a la preuve de la sincérité. Car sans la sincérité, aucun acte apparent ou caché ne servira. Les actes sans la sincérité, ben, ils serviront à rien. Min qabli an ya'tiyakum al'adab maji an la yudfa. Avant que vous qu'il ne vous arrive le châtiment, c'est-à-dire personne ne pourra le pousser le châtiment. Le châtiment il arrive, c'est fini. Il n'y a personne qui pourra le pousser. Thumma la tunsarun fa ka'annahu qil ma hiya al-inabatu wal islam wa ma juz'iyatuha wa a'maluha fa ajaba ta'ala bi qawlihi wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum intaha mahallu al-gharad. Et donc avant que ne vous arrive le châtiment, et ce châtiment personne ne pourra le repousser. Et personne ne pourra vous faire triompher. Et comme si quelqu'un avait posé la question, c'est quoi l'inaba et c'est quoi l'islam? C'est quoi le retour vers Allah et c'est quoi la soumission? Et c'est quoi et comment? Hein, comment se fait-il? La réponse est venue dans le verset qui suit. Et suivez le meilleur de ce qui vous a été descendu de votre souverain. C'est-à-dire que le retour vers Allah et la soumission à Allah se fait par la révélation, parce qu'il a été demandé par Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? ici s'arrêtent les paroles du Sa'di rahimahullah. قلت والقول للشيخ عبيد حفظه الله تعالى وتفسير هذين الإمامين مستنبط من ارتباط الآية التي بالتي قبلها قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فأعظم بتفسير يسنده الدليل فإنه يشفي العليل ويروي الغليل ويزيد المعنى وضوحا وتأكيدا ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة رواه الإمام مسلم. الشيخ عبيد de nous dire, حفظه الله تعالى, l'interprétation de ces grands imams, c'est-à-dire l'interprétation de l'imam al-Baghawi ainsi que l'imam al-Sa'di rahimahullah ta'ala, est extrait de la liaison du verset avec le verset qui est arrivé auparavant ce verset, avant ce verset, dans lequel il dit, « Dis, ô mes serviteurs, ils se sont fait trop de mal. Hein? Ne désespérez pas qui ont fait trop de mal, qui sont allés à l'extrême dans le mal, etc. Ne désespérez pas de la clémence d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les péchés. Et il est le pardonneur et le clément. Et Cheikh Ubayd Hafidhahullah ta'ala dit qu'il est noble et qu'il est grande l'interprétation qui est prouvée par la preuve, qui est appuyé par les preuves. Cette interprétation a assouvi la soif et guérit la maladie. Et il dit, et la signification devient encore plus claire et plus confirmée avec ce qui a été rapporté par l'imam Muslim rahimahullah, il hadith d'Abu Hurayra radhiyallahu anhu arda, il dit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit accourez vers les œuvres avant qu'on arrive ces choses. Accourez vers les œuvres. Hein? Avant qu'arrive ces choses, c'est-à-dire que le soleil, avant que le soleil ne se lève de l'ouest, et avant la fumée, ce qui est les grands signes ici, hein? Et avant Dajjal, et avant la bête qui va parler aux gens, et avant les particularités de tout un chacun, et avant la situation générale. Qal ووجه مطابقة الحديث للآية في الحث على المبادرة وهذا من الإنابة لله عز وجل. Et le cas de figure, hein, de la concordance entre le hadith et le verset, c'est qu'il a incité au fait d'accourir et de courir et de se précipiter vers le fait d'accomplir les bonnes œuvres. Et ça, ça fait partie du fait de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. قوله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن تمامها واتبع ملة إبراهيم حنيفا أي لا أحد أحسن تدينا وتعبدا لله ممن جمع في أقواله وأعماله بين الإسلام والإحسان وهذا معناه أنه اجتمع له الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. Et concernant l'autre verset qu'il a cité comme preuve et qui est mieux dans sa religion que celui qui a soumis sa face à Allah en étant bienfaisant, la fin de ce verset dit et il a suivi la voie de Ibrahim le monothéiste Al-Hanif. Hein? Ça veut dire personne ne mieux que celui-là dans la religion et dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut être mieux que celui qui a réuni dans ses paroles, dans ses œuvres entre eux, la soumission et la bienfaisance. Et celui-là agissant ainsi, il a réuni entre la sincérité pour Allah et le suivi du messager alayhi salatu wassalam. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له لما ذكر الجزاء على السيئات وأنه لا بد أن يأخذ مستحقها من العبد إما في الدنيا وهو الأجود له، وإما في الآخرة والعياذ بالله من ذلك. ونسأله العافية في الدنيا والآخرة والصفح والعفو والمسامحة شرع في بيان إحسانه وكرمه ورحمته في قبول الأعمال الصالحة من عباده ذكرانهم وإناتهم بشرط الإيمان. الحافظ ابن كثير رحمه الله dans l'interprétation du verset cité ici, quand il a cité la récompense qui découle des erreurs et que c'est obligatoire que le serviteur reçoit ce qu'il mérite, soit dans ce bas monde ici le mieux pour lui, soit dans le delà qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, nous lui demandons de nous épargner dans ce bas monde et dans le delà, et nous lui demandons le pardon. Il a commencé à nous éclairer sur les bienfaits, sur ses bienfaits, sur sa générosité, sur sa clémence dans l'acceptation des œuvres de ses serviteurs, qu'ils soient hommes ou femmes, à la condition de la foi, à condition qu'ils aient la foi. وَأَنَّهُ سَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةِ وَلَا يَظْلِمُهُمْ مِنْ حَسَنَاتِهِمْ وَلَا مِقْدَارَ النَّقِيرِ وَهُوَ النَّقْرَةُ الَّتِي فِي ذَهْرِ نَوَاتِ التَّمْرِ وقد تقدم الكلام على الفتيل وهو الخيط الذي في شق النواة وهذا النقير وهما في نواة التمرة والقطمير وهو اللفافة التي على نواة الثمرة والتلاتة في القرآن. Il dit رحمه الله تعالى comme quoi qu'il va les faire rentrer sa clémence pour les récompenses des actes qu'ils ont accompli avec la condition de la voie, il va les faire rentrer au paradis et qu'aucune injustice ne sera commise contre eux et qu'ils ne seront pas lésés concernant leur hasanat, même pas ne serait-ce que pas l'équivalent de cette petite peau qui est sur la noix de date. Et il a dit auparavant, on a parlé du fatil, qui en réalité, quelque chose qui enveloppe aussi la noix de la date. Et les trois sont dans le Coran, que ce soit Naqir, ou le fatil, ou le Qitmir. Naqir, c'est ce petit truc qu'il y a dans le dos de la noix, là, ce qui est à l'intérieur de la date, le noyau de la date, c'est une petite peau qu'il y a dans le dos du noyau de la date. Il dit, auparavant nous avons parlé de l'fatil. L'fatil, c'est ce fil très fin qui se trouve au milieu de la noix de la date, du noyau de la date plutôt. Et naqir, et le qitmir, c'est cette enveloppe très fine, blanche, qui enveloppe le noyau de la date. Et tout ceci, si tu le pèses, ça pèse quoi? Il n'y a aucune injustice qui sera commise. C'est-à-dire, tout sera là présent. Tu la prends à ta main, toutes ces particules qu'il a citées, qui sont sur le noyau de la date, il pèse quoi? Ça veut dire que la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala est énorme. Et toutes ces particules qui se trouvent sur le noyau de la date se trouvent citées dans le Coran. ثم قال ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه اي اخلص العمل لربي عز وجل فعمل ايمانا واحتسابا وهو محسن اي اتبع في عمله ما شرعه الله له وما ارسل به رسوله من الهدى ودين الحق. Et après il a dit qui est mieux dans sa religion que celui qui est soumis sa face à Allah, et ça veut dire qu'il a accompli les œuvres sincèrement pour son souverain Azza wa Jal, et il a œuvré avec foi en attendant la récompense min Allah, en étant bienfaisant, hein, il a suivi dans ça, dans ses actes, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré et ce qu'il a envoyé avec son messager alayhi salatu wassalam, de la science bénéfique et la vraie religion. La science bénéfique, hein, de laquelle découle la bonne œuvre. Hein. وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهما أن يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون متابعا للشريعة فيصح ظاهره بالمتابعة وباطنه بالإخلاص. Ici deux conditions, aucun acte ne serait accepté de quelqu'un qu'avec ces deux conditions. Il faut qu'il soit, qu'il accomplisse ses actes sincèrement pour Allah. Il faut que son acte soit dans le mille. Et le fait de l'avoir dans le mille, il faut qu'il soit dans le suivi du messager, alayhi salatu wassalam. Et ainsi, son apparence va être dans le vrai, hein, avec le suivi. Et son intérieur, hein, va être purifié et bon avec la sincérité. Donc son apparence, hein, va être, ce qu'il fait en apparence, va être vrai, accepté, valide, avec le suivi. Et ce qu'il y a dans son cœur sera vrai, valide, accepté, avec la sincérité. فمتى فقد العمل أحد هذين الشرطين فسد فمتى فقد الإخلاص كان منافقا وهم الذين يراءون الناس ومن فقد المتابعة كان ضالا جاهلا ومتى جمعها كان عمل المؤمنين الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم. Il dit, rahimahullah ta'ala, et toujours les paroles sont à Ibn Kathir, rahimahullah, il compte l'œuvre, compte dans l'œuvre, il n'y a pas l'une des conditions, ben, cette œuvre devient mauvaise. Compte l'œuvre, il est dépourvu de la sincérité, il est hypocrite, comme ceux qui font les œuvres par ostentation, pour que les gens les voient. Il compte l'œuvre, il est dépourvu du suivi, c'est un égaré, un ignorant. Et quand la sincérité et le suivi sont unis, ce sont les œuvres du croyant. Ce sont les œuvres des croyants. Et Ibn Kathir de citer le verset pour nous montrer qui sont ces croyants. Ceux de qui Allah subhanahu wa ta'ala accepte le meilleur de ce qu'ils ont fait et pardonne leurs péchés. يقول ولا زال الكلام لابن كثير رحمه الله ولهذا قال واتبع ملة إبراهيم حنيفا وهم محمد وأتباعه إلى يوم القيامة كما قال تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي وقال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين والحنيف هو المائل عن الشرك قصدا أي تاركا له عن بصيرة ومقبل على الحق بكليته لا يصده عنه صاد ولا يرده عنه راد انتهى محل الغرض. Ibn Kathir continue de dire, il dit, c'est pour ça qu'il a dit après, et il a suivi la voie de Ibrahim, le Hanif, le monothéiste. Et cela, il dit, rahimahullah, ce sont Muhammad et ceux qui l'ont suivi jusqu'au jour de la résurrection. Comme il est dit dans l'autre verset, il est prioritaire pour s'attribuer Ibrahim, alayhi salatu wassalam, ce sont ceux qui l'ont suivi et ce prophète, en parlant de Muhammad, alayhi salatu wassalam. Et il a dit aussi, et nous t'avons révélé le fait de suivre la voie d'Ibrahim le Hanif. Et il ne faisait pas partie des associateurs. Le Hanif, celui qui a dévié de l'associationnisme et qui s'est éloigné de l'associationnisme en le sachant, en le faisant volontairement et en le sachant. Il l'a fait avec science, avec clairvoyance. Il part vers la vérité en entier et rien ne le détourne de la vérité et rien ne le fait revenir de cette vérité. Et ici s'arrêtent les paroles de Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. يقول الشيخ عبيد وحاصل ما تضمنت الآية أمران. Il dit, et au résultat, ce verset contient deux points. أولهما أنه لا ينال عمل عند الله القبول حتى يجتمع فيه الإيمان بالله والإخلاص له ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو تمام الانقياد وغايته. Premièrement, aucune œuvre ne sera acceptée chez Allah subhanahu wa ta'ala sauf si dans cette œuvre il y a la foi en Allah et la sincérité pour Allah et le suivi du messager alayhi salatu wasalam. Et ça c'est le summum de la soumission et le but de la soumission. ويقول وتاني الأمرين أن الحنيفية التي بعث الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء والمرسلين هي ملة إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم. Il dit le deuxième point contenu dans son verset, c'est que la Hanifia avec laquelle a été envoyé Muhammad alayhi salatu wasalam et les prophètes et les messagers avant lui, c'est la voix de Ibrahim, l'intime d'Allah alayhi salatu wasalam. قوله ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى يخبر جل شأنه أن طريق الاستمساك بالعروة الوثقى هو الاستسلام لله مع الإحسان. Et la parole, le verset cité par Cheikh Mohamed Ibn Wahhab rahimahullah ta'ala comme preuve de la soumission est celui qui soumet Allah qui soumet sa face à Allah subhanahu wa ta'ala en étant bienfaisant, il s'est attaché, il s'est cramponné à l'an solide. Cheikh Obeid de nous dire Allah subhanahu wa ta'ala nous annonce comme quoi pour se cramponner et pour être cramponné à l'an solide, cela passe par la soumission à Allah et par la bienfaisance. قوله أي بلا إله إلا الله puisque au début كنت عندما قال فقد استمسك بالعروة الوثقى قال أي بلا إله إلا الله قلت أي شيخ عبيد قد جاء هذا التفسير عن بعض السلف وإتماما للفائدة وتقوية للمعنى ننقل ما قاله ابن كثير في نظير هذه الآية من سورة البقرة وهي قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم أي من خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله ووحد الله فعبده وحده وشهد أن لا إله إلا هو فقد استمسك بالعروة الوثقى أي فقد ثبت في أمره واستقام على الطريقة المتلى والصراط المستقيم إلى أن قال ومعنى قوله في الطاغوت أنه الشيطان قوي جدا فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوتان والتحاكم إليها والاستنصار بها. Il dit concernant compte Cheikh l'Islam Mohamed Ibn Wahhab a ramené comme quoi l'interprétation de l'urwa l'utqa c'est la ilaha illallah. Cheikh Obid de dire ceci a été rapporté par certains pieux prédécesseurs ridwanullah alayhim. Cette interprétation a été faite et rapportée par certains pieux prédécesseurs ridwanullah alayhim. Et dit pour encore donner plus de points à retenir et renforcer les points à retenir à cette signification, je ramène ici ce qu'a dit Ibn Kathir rahimahullah dans un verset qui est similaire à celui-ci et qui est dans Surat al-Baqarah où il est dit et celui qui me croit en Tarot et qui croit en Allah, il s'est cramponné à l'once solide, qui ne se détache pas Allah subhanahu wa ta'ala, il est l'entendant, il est le savant. Ce qui veut dire que celui qui désavoue et qui enlève les équivalents à Allah et les statues et toute chose vers laquelle appelle Shaitan, puisque Shaitan appelle vers le fait d'adorer tout ce qui s'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il a réservé son culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il a attesté qu'il n'est digne d'être qu'Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là s'est cramponné à l'insolide. Istamsaka bil urwati al-wuthqa. Et celui-là, il est ferme dans sa situation, il est dans la droiture, il est dans le chemin exemplaire, il est dans le chemin droit. Jusqu'à ce qu'il ait dit, et quand il a dit, il a donné la signification à Tarot, il a dit que c'est Shaitan, il a dit ça c'est très fort, car il englobe tout le mal dans lequel étaient les gens de la période pré-islamique, qui est le fait d'adorer les statues et de prendre les statues de tout ce qui s'adore comme en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala comme juge, et de faire triompher ces statues et de faire triompher ces tawarit, et ainsi de suite. Wa qawluhu faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa la infisama laha ay فقد استمسك من الدين بأقوى سبب وشبه ذلك بالعروة الوثقى التي لا تنفصم هي في نفسها محكمة مبرمة قوية وربطها قوي شديد ولهذا قال فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها الآية il nous dit quand il a dit dans le verset il s'est cramponné à l'an solide qui hein, ne se défait pas. Ça veut dire qu'il s'est cramponné, qu'il s'est attaché à la partie la plus solide de la religion. Et il a donné cet exemple de la religion forte à l'anse solide, parce que l'anse, cette corde qui est solide, qui est bien torsadée, bien nouée, hein, il ne se défait pas. Hein, il ne se défait pas. Quand il est bien torsadé, bien noué, il ne se défait pas. Et ses nœuds sont très forts. C'est pour ça qu'il a dit, et il s'est cramponné à l'anse solide, qui ne se défait pas. Qala Mujahid, rahimahullah, wa ghafara lah, al-urwatu al-wuthqa, yani l'iman. Mujahid, pour l'interprétation de l'urwatu al-wuthqa, il a dit la foi. Wa qala Sudai, huwa l'islam. Et Sudai, il a dit c'est l'islam. وقال سعيد بن جبير والضحاك يعني لا إله إلا الله وعن أنس بن مالك رضي الله عنه العروة الوثقى القرآن et si cher de nous citer Ibn Kathir rahimahullah ta'ala de citer les paroles du salaf concernant l'an solide cette corde solide Mujahid il a dit que c'est la voie Sudeï il a dit c'est l'islam la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala Saïd ibn Jubayr الضحاك عند لا إله إلا الله أنس بن مالك إلى ديس القرآن il y a aucune contradiction entre toutes ces significations à l'islam aucune contradiction entre toutes ces significations ها وعن سالم بن أبي الجعد قال هو الحب في الله والبغض في الله وكل هذه الأقوال صحيحة ولا تنافي بينها انتهى محل الغرض اي سالم بن ابي الجعد ادي العروه الوثقى سي لو فيت ديمي بور الله اي دو ديتستي بور الله اي توت سي بارول سون اوثنتيك اي يا اوكون اوكون كونتراديكسيون انتر ال اي سي ساريت ها لي بارول دو ابن كثير رحمه الله تعالى كونسيرنون سو فيرسي قوله فلا وربك لا يؤمنون Et Cheikh Obaid de revenir pour nous donner l'interprétation de l'autre verset cité comme preuve pour cette condition qui est la soumission totale à Allah et la soumission aux conditions, aux obligations de la ilaha illallah. Et il a cité le verset, hein, Cheikh l'Islam, a cité le verset, partons sevra, ils n'auront la foi complète jusqu'à ce qu'ils te prennent comme juge ils trouvent rien à redire. Quand tu, ta sentence tombe, ils se soumettent complètement. يقول الشيخ عبيد حفظه الله يخبر جل وعلا أن الإيمان ظاهر والباطن يحصل بثلاث أمور. الشيخ عبيد de nous dire que la foi en apparence et dans le fort intérieur s'acquiert avec trois points. أولها تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم وهو تحكيم شخصه في حياته وتحكيم شرعه بعد مماته. Premièrement, prendre comme juge le messager alayhi salatu salam, c'est le fait de le prendre comme juge en tant que personne durant sa vie et de prendre sa législation comme juge après sa mort alayhi salatu salam. Thaniha, intifa'u al-haraj min an-nufus hala at-tahkim wa hada yastalzim qabul al-hukm ma' ittisa' as-sudur wa inshirahha lah. Deuxièmement, doit avoir aucune gêne dans l'intérieur de la personne, dans le cœur du personne au moment du jugement, et cela implique l'acceptation du jugement avec une poitrine large, hein, avec une quiétude totale. Talituha at-taslim at-tam li hukmi alayhi salatu wassalam. Troisièmement, la soumission totale au jugement du prophète alayhi salatu wassalam. Wa yuwaddihu ma'na hadhihi al-aya ma rawahu al-Bukhari rahimahullah fi kitab at-tafsir an Urwah ibn az-Zubayr radiyallahu anhu wa ardah qal خاصم الزبير رجلا من الأنصار في شريج من الحرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسق يا زبير ثم ارسل الماء إلى جارك فقال الأنصاري يا رسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وجهه صلى الله عليه وسلم ثم قال اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك واستوعى النبي صلى الله عليه وسلم الزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري كان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة قال الزبير فما أحسب هذه الآيات إلا نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. Il cherche de nous citer une situation, une histoire qui est arrivée alors à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, rapportée par l'imam Bukhari rahimahullah dans le livre de l'explication du Coran. Et de Urwa ibn Zubayr, il a dit qu'un homme s'est plaint de Zubayr. Un homme parmi l'Ansar, les alliés de Médine, s'est plaint de Zubayr à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam pour une histoire d'eau, pour l'arrosage des jardins. Question de bassin d'eau et l'arrosage du jardin. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit à Zubayr, arrose ton jardin et après lâche l'eau pour ton voisin. Lâche l'eau pour ton voisin Ansari. L'Ansari, il n'a pas accepté au départ. Et il a dit, tu es jugé ainsi parce que c'est le fils de ta tante. La couleur du visage du prophète alayhi salatu wassalam a changé. Et après il a dit à Zubayr, maintenant il va donner le droit complet à Zubayr. Il a dit à Zubayr, arrête l'eau. Et abreuve jusqu'à ce que l'eau remonte sur le tronc, sur une partie du tronc. Au départ, il lui a dit juste abreuve. Mais là, il lui dit, tu vas maintenant prendre toute ta part. Tu arroses comme il se doit. Tu prends toute ta part. Et après, tu lâches l'eau pour ton voisin. Et au départ, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a fait le jugement où il a donné une certaine largesse pour les deux. à la fin, quand l'Ansar n'a pas accepté à trouver une gêne et s'est opposé à ce jugement, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a donné tout le droit, son droit complet à Zubair, radiyallahu anhu wa arda. Et Zubair de dire, je crois que ce verset est descendu nous concerne cette histoire. Par ton sevrin, ils n'auront la foi complète que jusqu'à ce qu'ils te prennent comme juge dans tout litige qu'il y a entre eux. ونظير هذه الآية في وجوب التسليم لحكم الله ورسوله قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Et l'équivalent de ce verset dans l'obligation de se soumettre au jugement d'Allah et de son messager, c'est l'autre verset qui dit, si vous avez un litige dans quoi que ce soit, dans n'importe quelle chose, vous devez le ramener vers Allah, c'est-à-dire vers le livre d'Allah, et vers le messager d'Allah s'il était vivant, et après sa mort, vers sa législation, vers sa sunna. Si vous croyez en Allah et en l'au-delà, et ça c'est la meilleure des interprétations que vous faites à votre problème. C'est la meilleure des interprétations. Hein? Regarde cette condition de la ilaha illallah. Combien de gens maintenant n'y sont pas? Hein? Combien? Parle pas du commun. Parle même de l'élite qui suit la sunna. Quand ça touche leur argent, quand ça touche leur orgueil, combien de fois le jugement de la sunna, le jugement d'Allah ne leur plaît pas, ils sont gênés, et kada, ils cherchent n'importe comment des ruses et des falsifications pour ne pas le subir. Hein? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et les cas et les exemples sont nombreux, tournent autour de toi et tu trouves. Et des fois même cherchent en toi et tu vas trouver. Hein? C'est pour ça qu'il faut s'auto-observer de temps en temps. Il faut auto-observer nos réactions, nos actes, nos rapports avec les autres, nos rapports avec la sunna, nos rapports avec les rapports d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في شرح هذه الآية وما قبلها ثم أمر برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى الله والرسول أي إلى كتاب الله وسنة رسوله فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية إما بصريحهما أو عمومهما أو إيماء أو تنبيه أو مفهوم أو عموم معنى يقاس عليه ما أشبهه. إمام السعدي رحمه الله تعالى dans l'interprétation de ce verset et du verset qui est passé auparavant a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'ordre de ramener tout litige qu'il y a entre les gens concernant les fondements de la religion ou là les branches de la religion, de le ramener vers Allah et vers son messager, dire vers le livre d'Allah et vers la sunna de son messager alayhi sallam, parce que là il y a le jugement dedans pour tous les sujets de divergence. Il y a le jugement dedans, que ça soit clairement, c'est clairement déclaré dedans, que ça soit en général ou que ce soit par allusion au problème, ou ce soit en attirant l'attention, ou ce soit par définition ou par compréhension, ou que ce soit un général, une signification générale sur laquelle on fait l'analogie de quelque chose qui lui ressemble. N'importe comment, tous les sujets à divergence trouvent leur solution n'importe comment dans la parole d'Allah et dans l'authentique de la sunna. Hein? Soit ils sont englobés dans un texte général, soit il y a des paroles ou un texte qui les concerne directement, soit il y fait allusion. Hein? soit c'est une signification générale sur laquelle ceux qui sont doués d'extraire les lois vont faire l'analogie sur la chose. Évidemment, il faut que ce soit les gens qui sont dignes d'extraire les lois qui vont te le montrer. Hein? C'est-à-dire les hommes de science. يقول السعدي رحمه الله لأن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عليهما بناء الدين ولا يستقيم الإيمان إلا بهما فالرد إليهما شرط في الإيمان فلهذا قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فدل ذلك على أن لم يرد أن من لم يرد إليهما مسائل النزاع فليس بمؤمن حقيقة بل مؤمن بالطاغوت كما ذكر في الآية بعدها. Il dit rahimahullah ta'ala, car dans le livre d'Allah et la sunna du messager alayhi sallallahu alayhi wa sallam, car le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, sur ça que se construit la religion, et c'est avec ça qu'il y a la droiture dans la foi. Et la droiture dont la foi ne serait obtenue qu'avec, qu'en s'appuyant sur le livre d'Allah et la sunna du messager alayhi salam. Et le fait de revenir vers le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salam, c'est une des conditions de la foi. C'est pour ça qu'il a dit à la fin du verset, quand il a demandé de tout ramener vers le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salam, il a dit si vous croyez en Allah et en le delà. Hein? Donc c'est une condition de la foi de ramener les litiges et les problèmes et les divergences vers le livre d'Allah et la sunna du messager. Elle dit, cela prouve que celui qui ne ramène pas les problèmes et les sujets sur lesquels il y a divergence et problèmes et litiges avec les autres et ne les ramène pas vers le livre d'Allah et la sunna du prophète, il n'est pas croyant réellement. Mais il est croyant en tarot, comme il a été cité dans le verset auparavant. Dhalika ay ar-radd ila Allah wa rasulihi khayr wa ahsan tawila. Fa inna hukma dhalika hukma Allah wa rasulihi ahsan al-ahkam wa a'daluha wa aslahuha lin-nas fi amri dinihim wa dunyahum wa aqibatihim. Intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala wa ghafara. Il a dit ceci, c'est-à-dire le fait de revenir, de ramener le problème vers Allah et vers son messager, c'est la meilleure des interprétations qu'on fait. Car le jugement d'Allah et de son messager est le meilleur des jugements et le plus juste des jugements, et c'est ce qui convient aux gens dans toute leur situation, dans leur religion et dans leur bas monde et dans leur futur, dans leur fin, hein, et la fin vers laquelle ils vont aller. Le fait de prendre comme juge Allah et son messager alayhi sallam, le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi sallam, ça qui fait le bien de la religion des gens et de leur bas monde et aussi le bien de leur futur. يقول الشيخ عبيد ما تفيد الآيات أولا وجوب الإخلاص لله وحده ووجوب المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وهذان هما سبيل التمسك بالعروة الوثقى. دي الشيخ عبد الله تعالى comme à son accoutumé, parce que c'est un grand éducateur, il dit qu'est-ce qu'on doit retenir des versets. Premièrement, l'obligation de la sincérité. Hein? Et aussi l'obligation du suivi du messager alayhi sallatu salam. Et ça, c'est la voie pour se cramponner à l'an solide. Taniyan. وجوب الانقياد لحكم الله ورسوله ظاهرا وباطنا وهذا هو وجه استشهاد المصنف بهما. Et deuxièmement, ce qu'il est obligatoire de se soumettre aux lois d'Allah et de son messager dans son apparence et dans son fort intérieur. La soumission doit se faire en apparence et dans le cœur aussi. Et ça, c'est le point de témoignage de l'auteur Cheikh Mohamed Abdel Wahhab avec ces versets. قوله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قلت الشيخ عبيد أخرج الحديث عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم بغوي في شرح السنة والخطيب في التاريخ وابن أبي عاصم في السنة وغيرهم لكنه ضعيف لأن مداره على نعيم بن حماد قال فيه الحافظ بن رجب بعد تخريجه قلت تصحيح هذا الحديث بعيد جدا من وجوه منها أنه حديث ينفرد به نعيم بن حماد المروزي ونعيم هذا وإن كان وثقه جماعة من الأئمة وخرج له البخاري فإن أئمة الحديث كانوا يحسنون به الظن لصلابته في السنة وتشدده في الرد على أهل الأهواء وكانوا ينسبونه إلى أنه يتهم ويشبع عليه في بعض الأحاديث فلما كثر عطورهم على مناقبه حكموا عليه بالضعف إلى أن قال وأما معنى الحديث من الأوامر والنواهي وغيرها فيحب ما أمر به ويكره ما نهى عنه. إيه الشيخ عبيد دغيفي وحديث quelqu'un parmi vous n'aura la foi complète jusqu'à ce que ses passions suivent ce que j'ai ramené a dit الرسول صلى الله عليه وسلم. Il dit, Hafidhahullah, ce hadith a été sorti par Abdullah ibn Amr du prophète alayhi salam. Le Baghawi l'a rapporté dans Sharh Sunnah. Le Khatib, le Baghdadi l'a ramené dans le livre de l'histoire du Khatib, Tarikh. Ibn Abi Asim l'a ramené dans son livre Sunnah et d'autres. Mais ce hadith, il est daif. Parce qu'il tourne sur une personne. La personnalité principale de ce hadith est Naïm ibn Hammad. Ainsi, il a été dit par al-Hafidh ibn Hajar, par al-Hafidh ibn Rajab, après avoir ramené ce hadith dans Jami' al-Ulum wal-Hikam. Et Cheikh Obeid de dire, l'authentification de ce hadith, il est loin, très loin, par plusieurs cas de figure. C'est un hadith qui a été rapporté tout simplement par Naïm ibn Hammad al-Marwazi. Et ce Naïm, même si certains noms de science ont dit de lui qu'il est digne de confiance, et que l'imam Bukhari lui a rapporté certains hadiths dans ses authentiques, les imams du hadith, auparavant, ils avaient des bonnes suspicions sur lui. Pourquoi ? Parce qu'il était ferme et dur dans la réplique aux gens de l'innovation. Et il lui attribue aussi qu'il avait des illusions et que les situations se mélangeaient pour lui dans certains hadiths. Et comme ils ont trouvé beaucoup de choses blâmables dans ces hadiths, à ce moment-là, ils ont décrété sa faiblesse. Jusqu'à ce qu'il ait dit. Hein? Quant à la signification du hadith, que les ordres, les interdits autres, il doit aimer ce qu'il lui a ordonné et détester ce qu'il lui a ce qu'il a interdit. Il a été rapporté dans le Coran, warada. وَمَّا مَعْنَى الْحَدِيثِ مِنَ الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِ وَغَيْرِهَا فَيُحِبْ مَا أَمَرَ بِهِ وَيَكْرَهْ مَا نَهَى عَنْهُ وَقَدْ وَرَضَ فِي الْقُرْآنِ بِمِثْلِ هَذَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِ قَالَ تَعَالَى فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Il dit quant à la signification du hadith, les ordres qu'il y a dedans, les interdits qu'il y a dedans, dire que la personne doit aimer ce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné et détester ce qu'il lui a interdit. Et il dit, il a été rapporté dans le Coran, hein, des choses similaires à ceci dans plus d'endroits dans le Coran, comme le verset, par ton sevrat, ils n'auront la foi complète jusqu'à ce qu'ils te prennent comme juge dans tout litige qu'il y a entre eux, qu'ils trouvent rien à redire. Ils trouvent rien dans leur poitrine, ils rechignent pas, ils n'ont pas de gêne dans leur poitrine et ils se soumettent complètement à la sentence que tu as décrée. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Il a dit aussi, ils n'appartiennent pas à un croyant et à une croyante, une fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété quelque chose, une sentence ainsi que son messager, qu'ils aient le choix dans leur situation. On n'a pas de choix quand quelque chose est ordonné min Allah Azza wa Jal et ordonné du messager alayhi salatu wassalam. وَذَمَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَنْ كَرِهَ مَا أَحَبَّهُ اللَّهُ وَأَحَبَّ مَا كَرِهَا وَأَحَبَّ مَا كَرِهَهُ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala blâme ceux qui ont détesté ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et qui aiment ce que Allah subhanahu wa ta'ala déteste. Il est dit dans le verset, c'est parce qu'ils ont détesté ce que Allah subhanahu wa ta'ala a descendu, et Allah subhanahu wa ta'ala a anéanti leurs œuvres. وقال تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. Il est dit dans l'autre verset, c'est parce qu'ils ont suivi les choses que Allah subhanahu wa ta'ala a maudit et ils ont détesté l'agrément d'Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala a anéanti leurs œuvres. يقول فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب له الإتيان بما وجب عليه منه، فإن زادت المحبة حتى أتى بما ندب إليه منه كان ذلك فضلا. Et il dit, et toujours les paroles sont Ibn Rajab rahmatullah alayhi, dit, il est obligatoire aux croyants d'aimer ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime d'un amour qui va impliquer, qui va le mettre en application, qui va mettre en application ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait obligatoire. Hein? Il va mettre en application ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété comme obligatoire pour lui. Et cet amour augmente chez la personne, il va ramener tout ce qui est surrogatoire. Et ce serait un grand bien pour lui, pour la personne. Hein? وأن يكره كل ما كرهه الله تعالى كراهة توجب له الكفة عما حرم الله عليه منه، فإن زادت الكراهة حتى أوجبت الكفة عما كرهه تنزها كان ذلك فضلا. Et aussi cet amour va le pousser à détester ce que Allah subhanahu wa ta'ala déteste. Hein? Une détestation qui va impliquer qu'il va s'abstenir, qu'il va s'éloigner de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit et de tout ce qui est interdit. Et cette détestation augmente un petit peu, ça va l'amener même à laisser certaines choses qui ne sont pas haram, mais qu'il faut, qui sont détestables, pas et qui ne sont pas du domaine du haram, et il va les détester. Et ça serait un autre degré et ce serait un grand bienfait. وقد ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده وأهله والناس أجمعين. Il a été rapporté dans les authentiques que le Rasoul صلى الله عليه وسلم a dit, quelqu'un parmi vous n'aura la foi complète et n'atteindra la foi complète jusqu'à ce qu'il m'aime plus que lui-même, plus que ses enfants, plus que sa famille, plus que tous les gens. À ce moment-là, il aura la foi complète. Quand il aimera le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, à ce degré d'amour. فَلَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِنًا حَتَّى يُقَدِّمَ مَحَبَّةَ الرَّسُولِ عَلَى مَحَبَّةِ جَمِيعِ الْخَلْقِ. Et le croyant ne sera croyant que jusqu'à ce qu'il met en avant l'amour du messager alayhi wa sallam au devant de l'amour des autres créatures. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة مرسله. Il amour le fait d'aimer الرسول صلى الله عليه وسلم découle de quoi? Du fait d'aimer Allah. المحبة الصحيحة تقتضي المتابعة والموافقة في حب المحبوبات وبغض المكروهات. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى. Et l'amour authentique implique de suivre et de concorder dans le fait d'aimer ce qui est aimé par celui que tu aimes et de détester tout ce qu'il déteste. Ça veut dire l'amour authentique du messager alayhi salam implique que tu le suives et que tu aimes ce qu'il aime et que tu détestes ce qu'il déteste alayhi salam. Et ici s'arrêtent les paroles d'Ibn Rajab rahimahullah. Qultu wa yabdu li wal ilmu 'inda Allah anna al musannif rahimahullah istashhada bil hadith li sihhati ma'nahu kama dhakarahu al hafid Ibn Rajab mud'aman bil adilla. Et Cheikh Ubayd hafidhahullah ta'ala dit que il m'apparaît, il a science chez Allah subhanahu wa ta'ala, que Cheikh Mohammed Ibn Wahhab l'écrivain, celui qui a écrit les conditions de la ilaha illallah et leur preuve, a pris comme témoignage ce hadith, hein, qui est faible, parce que son sens est bon, comme l'a cité le Hafid ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, en ramenant les preuves comme quoi le sens du hadith il est bon, mais le hadith en lui-même, il est faible. Hein. Et ici on s'arrête, inshallah, wa subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم الله خير